Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour cette nouvelle saison du podcast Sur nos écrans. Troisième saison des podcasts Comic Stories, deuxième saison pour Sur nos écrans, si je ne me trompe pas. On va commencer par un débrief qui fait rêver tout le monde ici. C'est le débrief des deux premiers épisodes de Fear the Walking Dead. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 21e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi pour cette reprise, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Léo. Salut à tous. Clément qui n'a pas vu la série, mais qui va quand même écouter religieusement notre débat. Et peut-être être convaincu qu'il faut absolument qu'il la regarde, parce que c'est tellement génial qu'il faut la voir. Non, mais je pense pas, je regarde déjà pas The Walking Dead. Eh ben, on va voir si on peut regarder bien, ça. Pour regarder. Du temps. Alors, d'abord, avant de commencer, certes c'est la première de la saison pour Sur nos écrans, mais en plus du focus de la semaine, qui sera donc cette semaine le débrief de Fear the Walking Dead, on a installé le récap, c'est-à-dire où chacun pourra exprimer pendant une minute ou deux, brièvement, ce qu'il a marqué positivement ou l'a déçu dans ce qu'il a vu des épisodes de la semaine passée. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée. Il y a eu quelques petits trucs quand même, mais bon, voilà, pas les grosses séries qui n'ont pas encore reprises. Donc si quelqu'un parmi vous a quand même quelque chose à dire en une ou deux minutes sur des séries qu'il aurait rattrapées ou des choses qu'il a vues dans l'été, voilà, vous pouvez. Toutes séries confondues ? Dans les adaptations de comics. On réfléchira peut-être à étendre ça plus tard, mais d'abord les adaptations de comics. Tu t'es refait un deuxième Gotham ? Ça a pas encore repris. J'attends avec expectative. Tu t'es pas fait un rewatch ? Ah, non. Si seulement j'avais eu le temps. Rien que pour pouvoir retrouver quelques petits détails, les noter, les envoyer à Arnaud et, ouais. Et le préparer psychologiquement pour la saison. J'ai quand même des messages à chaque news de Gotham. Arnaud a-t-il fait un binge-watching de la saison de The Strain ? Bien sûr. Un rewatch de la première, même avant. D'accord, impeccable, donc tout va bien. Et deux Powers. Non, ça c'est Clément qui l'a regardé parce qu'il l'avait pas vu. Ah non. Toujours pas non plus. Bon, quand même, non. Dans les choses qui sont sorties, certes, les grosses séries n'ont pas repris, mais Vixen a commencé hein, sur le CW Seed. Donc il y a quand même ça. Et puis il y a eu les quelques petits épisodes sur YouTube de Justice League Guns and Monsters. C'est quoi le sous-titre ? Chronicles. Ah, Chronicles, ok. Il n'y a pas eu les... parce que c'est pas... Enfin, c'était en comics, mais je pensais à Heroes, mais non, c'est pas... Heroes n'a pas repris. Il y a eu les petits webisodes. Ouais, ça je les ai vus, ça, pour le coup. Et du coup c'est vraiment très sympa. C'est très sympa, c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Il y en a 6, je crois, de 6 minutes, donc en gros, ça prend même pas une heure à tout regarder. Mm-hmm. Et c'est... je vais essayer de pas spoiler parce qu'il y a quand même une petite révélation dans tout ce petit truc, mais voilà, on retrouve, on voit, il y a quelques caméos des nouveaux, enfin des anciens acteurs qui vont revenir dans la nouvelle série. Mm-hmm. On découvre deux ou trois petits nouveaux également. C'est filmé un peu à la, il y a un côté Chronicle d'ailleurs dans ce même carrément d'ailleurs, parce que c'est en first person subjective. On filme la dénommée Phoebe là, avec son frère, toujours avec une caméra à la main, voir l'évolution de ses pouvoirs, j'en dirai pas plus d'ailleurs. Mm-hmm. Et il y a un côté vraiment un côté Chronicle dedans. Ce qui est donc voilà, enfin adapté comme ça à un format ou épisode, c'est une bonne petite introduction dans la série, ça nous explique un petit peu sur quelle base ça va partir ou même repartir. Je pense qu'on apprendra encore un peu plus au début. Est-ce que là on fait le lien entre la série et ce qu'on va redécouvrir avec Reborn ? Oui, parce que au début, sur le début, sans spoiler, je donne un ou deux éléments. Hein. Il y a au début, t'as un type appelé Hero Truffer qui apparaît masqué à l'écran et qui dit que le gouvernement chasse les heroes, les empêche de développer, qu'il y a une guerre qui se prépare, un truc dans le genre. Et après se développe l'intrigue autour de Phoebe, autour de ça. Et ça fait le lien, donc ils disent que ça se passe 8 ans, je crois, après la fin de la saison 4. Mm-hmm. Arnaud, tu dis non. Voilà, ça se passe 8 ans après la. Ils disent que ça se passe 8 ans après la série. Ils font constamment référence à Claire Bennett quand elle révèle ses pouvoirs, donc à la fin de la saison 4. Et ensuite, ils partent sur autre chose, quoi. Ils font 2-3 références pour pouvoir un petit peu structurer leurs nouveaux propos. Et ensuite, ils font une espèce de mini préquel dans ces webisodes pour ensuite lancer le 24 septembre, à la reprise de la série, lancer Heroes Reborn. D'accord, Heroes Reborn, dont on vous parlera, hein. Je crois que c'est au programme de sur nos écrans, ouais. Arnaud, hein, c'est ça ? Malheureusement. Juste... Pourquoi moi je l'attends, Heroes Donc, Reborn, coup, j'espère que ça va être bien d'ailleurs. J'ai abandonné à la saison 3. Mais on est beaucoup à avoir abandonné à la saison 3, hein. il n'y a pas de honte, non, mal à ça. Il faut dire que c'est vrai que la saison 4, bon... Voilà, bah, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a un mot qui ressort, médiocre. Ah, bah moi c'est un mot qui commence par les deux mêmes lettres mais qui finit pas pareil. Bah, donc, voilà. Bon, faut dire, enfin vraiment c'est une saison où elle plus faire. Et pourtant c'est Robert Knepper le méchant. Il est vraiment. Dans sa fête foraine. Stop. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas. La saison 4 est vraiment la moins bonne. Du coup, c'est pas vraiment. C'est presque de la parodie à ce rythme-là, quoi. Bah, c'est un soft reboot, on va te reprendre. Ouais, parce que moi, du coup, ça pour t'expliquer. Par curiosité, je vais quand même regarder. Et moi, du coup, je crois que je m'en suis arrêté. Enfin, j'avais dû regarder le premier épisode de la série. Tu pourras tout comprendre, même en n'ayant vu aucun épisode de Heroes. D'accord. C'est fait pour. En fait, il faut quand même voir la saison 4, en tout cas la fin, parce que... Je pense pas que ce soit nécessaire. Au moins, vois les deux derniers épisodes, à la limite, si t'as pas envie de taper la saison 4. Vu la cata de la saison 4, ils vont pas forcer les gens à avoir vu la série. Je pense que c'est pour ça qu'ils font j'ai pas tout entendu, pardon. Ils font un reboot exprès pour attirer les anciens fans, mais aussi pour attirer de nouveaux spectateurs. Donc ils vont pas te forcer à voir l'ancienne série avant. Donc, oui. Ils l'ont dit, tu pourras comprendre sans avoir vu la première série, tu pourras comprendre celle-là. C'est pour ça que voir les webisodes, c'est pas mal, parce que ça, voilà, c'est quelques épisodes de 6-7 minutes. Après, tu pourras toujours comprendre. Et ça permet de faire un petit peu. Tu pourras toujours comprendre sans les webisodes. Oui, voilà. Oui. Puisque c'est une reprise, il y a les anciens acteurs, mais des nouveaux, et ils veulent partir sur quelque chose de différent, même si c'est Tim Krieg qui est revenu à la manette derrière. Oui. Voilà. La fille Rose. Oui, il a eu une série annulée là. Ouais. Voilà. Bon, enfin bon, Heroes c'est toujours resté un petit peu son espèce de mantra. Là, il a toujours voulu la ramener et il a réussi finalement. Donc bon, ouais. Les bandes annonces me plaisent bien. Donc j'espère que ça, ce sera ça. On verra ça dans quelques semaines et on va passer au vrai sujet de cette émission, qui est notre focus, notre débrief des deux premiers épisodes, puisque à l'heure où vous allez écouter cette émission, le troisième épisode aura été diffusé, mais nous enregistrons le dimanche 13 septembre, et du coup nous avons eu les épisodes 1 et 2 de la série Fear the Walking Dead, c'est-à-dire un tiers finalement, puisque c'est une saison 6, et on va donc vous parler de ces deux épisodes, meilleurs ou pas que la série mère, plus vive ou pas que la série mère. On va essayer de voir ça ensemble. Est-ce qu'on peut regarder cette série sans regarder The Walking Dead? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? On verra ça aussi. Mais avant ça, juste en quelques mots, Arnaud, Léo, premier, comme ça, juste en deux mots sur vos deux premiers épisodes, là, le ressenti rapide. Si j'étais un personnage de comics, il y aurait des aides à côté de ma tête pendant que je regarde les épisodes. Voilà. Pour résumer. Et Léo ? Ok, c'est un bon résumé. Pour être relativement indulgent, parce que après, de toute façon, on va y aller, mais... Je dirais, et notamment par rapport à la série mère, sans surprise... Et sans rien, sans surprise, oui, je pense que ça définit bien le truc. Ok. Ouais, bah, c'est long, quoi. Oui, c'est très convenu. Oui, voilà. C'est ça, quoi. C'est long, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut commencer notre débrief sur les deux premiers épisodes, d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est long? Oui, Oui, tu peux le dire, on t'emmerde, hein. c'est C'est même chiant, pas voilà. qu'on s'emmerde, parce qu'il y a un petit côté hypnotique quand même, un peu Pas comme pour The toi. Walking Dead, qui te fait Ah oui, aller ça m'a jusqu'à... endormi, oui, Oui, moi je aussi. confirme, c'est hypnotique. Je me suis réveillé, je me suis bougé un petit peu plusieurs fois dans mon lit pour pas m'endormir pendant le pilote. Il y a toujours ce petit truc de temps en temps qui te Ouais, le clip de réaccroche. fin. Le clip de fin qui te fait envie de Comme regarder ce qu'on d'habitude, fait. ouais. Et voilà, C'est c'est. vraiment. C'est Il y a un pour ça truc que au c'est sans début, surprise. à la fin, puis entre-temps, tu t'emmerdes. Ouais, Mais c'est au pour ça que milieu, c'est là, sans surprise. le milieu est très long, c'est sûr. Oui. Et il y a des bonnes idées qui sont vite expédiées, genre le Comme coup d'habitude. de. Oui, bah, comme dans The Walking Dead, le Comme coup du dans fils The Walking Dead. qui sait pas trop si. Enfin, même des parents, s'il est. Comment? S'il est juste défoncé et croit avoir vu des zombies, ou si réellement il a la zone zombie. Ça, c'était une approche intéressante qui a été vite expédiée. La population qui s'agite pour absolument rien. Genre, tu vois bien que le mec, c'est pas juste un simple SDF qui attaque les gens. Le mec, Ouais, la population est tu lui tires aveugle, trois balles dans le visiblement. cœur et il bouge toujours. Hein. C'est qu'il y a un souci là. Ah, Mais ils sont tous enfin, aveugles, visiblement. il y a plein d'histoires assez stupides. Et puis les personnages sont pas intéressants. Alors, les personnages, justement, on suit quoi? On suit une famille, grosso modo, et puis les Oui. personnes qui gravitent autour d'elle. Au tout début de l'épidémie, qui est déjà bien entamée dans la série The Walking Dead, pour rappel, dans le pilote, Rick se réveille d'un mois de coma, et le monde, en un mois, a bien changé, puisque la société a été complètement détruite et qu'on a En affaire à neuf une mois, je invasion. crois. Comment? Non, il se passe moins de 9 mois, je crois. Ah, moi, j'avais compris qu'il se passait un mois. Mais c'est peut-être, je sais pas. Je crois que c'est 3 ou 4 mois entre D'accord. l'invasion et le réveil de Rick. Bon, alors déjà un mois, je trouve que c'est long pour survivre dans une chambre d'hôpital dans le coma. Ouais, je crois que c'est Mais plusieurs alors si mois. tu m'en rajoutes plus, ça va pas le faire. Il me semble que c'est Bah 3-4 ouais. mois et justement, les deux premières saisons de Fear the Walking Dead vont Vont même pas tenir. faire ces quelques mois-là. D'accord. Donc du coup, voilà, Rick se réveille, le monde a changé, invasion de zombies, tout ça, tout ça, tout ça. Et ce que nous, on découvre dans Fear the Walking Dead, c'est bah, les débuts de cette invasion et bah, qu'est-ce qui s'est passé en gros pendant le coma de Rick, puisque j'imagine qu'il est dans le coma au moment où la série commence. Oui, plus ou moins. Sinon, il y a un problème déjà de cohérence de base. Plus ou moins, puisque c'est à Ouais. cause d'un zombie déjà qu'il est dans le coma. C'est vrai, c'est peut-être un des deux premiers, Et un des premiers. il y a eu un C'est accident, vrai, il a c'est voulu vrai, oui, buter c'est un vrai. zombie, je crois, et c'est comme ça C'est qu'il peut-être finit. justement un des premiers qu'il a. Voilà. Puisqu'il n'avait pas l'air très au courant à son réveil qu'il y avait des phénomènes comme ça. Donc, la famille, donc on a une mère, Madison, qui était insupportable dans le pilote. Et qu'il l'est toujours, je trouve, même dans Ah les. non, dans le Ah non, deuxième, dans c'est le 2, elle est dur. largement Moi, je l'ai mieux. trouvée hyper badass, hyper intéressante. Elle s'est un peu redressée les manches et je sais pas, elle a un côté qui était complètement inattendu quand on la voit dans le pilote. Jamais je l'aurais imaginé comme ça. Aller piquer des trucs Oui. dans le lycée, aller buter le Ouais, mais enfin. professeur à coups d'extincteur. Voilà, il y a Ouais, plein. mais. Mais. C'est pas encore très transcendant, je trouve, de ce côté-là. Enfin, Bah, je me dans le raccroche à pilote, quelque c'est chose vrai. d'un peu mieux que le reste. Hein. Je suis pas non plus en train Oui, de. voilà. Mais de toute façon, après, bon, au niveau personnage, c'est difficile de faire pire que le pilote. Enfin, vraiment, dans le pilote, les personnages sont insipides et Oui. bah, ils accélèrent pas le rythme de l'épisode. C'est mieux dans l'épisode 2. Même le père. Que, enfin, le père, non, plutôt le beau-père, là, Cliff Curtis, là, Travis, j'avais du mal dans le pilote, beaucoup de mal, et j'avais un peu moins de mal dans l'épisode 2. Pareil pour Madison, au final, donc, ouais, non, il y a une légère amélioration, mais les personnages en sont pas encore complètement à dynamiser et dynamiter surtout le truc, quoi. Celui qu'on avait pensé au cœur de l'histoire quand on le découvre au tout début, là, à se réveiller dans son église, j'ai oublié son prénom tellement il est important, Nick. Nick. Nick. Finalement, dans le deuxième épisode, il est en manque, hein, donc de toute Il est façon, allongé, il il peut pas vomit, faire, et voilà, voilà. il peut pas faire grand-chose d'autre qu'apparaître en manque. Ce qui rend sa sœur intéressante, enfin Ce qui n'était intéressante, pas le cas dans le pilote. Ah oui. Ce qui donne un petit pic de relief à sa sœur, on va Oui, quand même quand elle n'est l'appeler. pas au chevet de son amoureux, elle pleurait. Voilà. Ouais. J'ai envie de lui donner des tartes. Après, il y a un truc qui m'embête, c'est la traditionnelle ficelle dans les films un peu comme ça, où t'as une apocalypse qui commence, qu'elle soit zombie ou autre, la ficelle de la séparation, où on va te séparer une famille en deux, et est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver? Et ça marche à tous les coups, ça, c'est l'Amérique. Hein. C'est ça. Ça aurait été plus drôle s'ils auraient séparé la famille en deux avec des sorties à moi. Oh putain. Oh là là. C'était. Je me demandais ce qu'il avait à dire, parce qu'il n'avait pas vu assez vite. Il m'a dit, tiens, il a rien avec nous. Et voilà, ouais, ok. Bon. Merci de ta contribution. Ça rien. Il faut bien que je m'occupe. Hein, on a c'est ça, c'est bah regarde le pilote pendant ce temps. Regarde quoi? Le pilote. Ouais, mais non, plutôt, je sais pas, regarder Catwoman. Ça va bien, je le balerai, quoi. À des Quel est le pilote de The Walking Dead et Catwoman de Pitoff, là, il y a 10 ans? Ouais, non, je sais pas lequel est le pire. Enfin bref, on va reprendre sur Fear the Walking Dead. Bravo Clément, tu nous fais détourner. Bon, cette séparation, bah voilà, c'est quelque chose d'hyper classique. On se doute qu'ils vont on se doute qu'ils vont finir par se retrouver et que comme par hasard il va y avoir un drame. Oui. Au moment où ils se retrouvent. Et puis surtout, moi je vote pour le père. Comme première victime. Oui. Bah en fait, au moment où ils vont se retrouver, on se doute qu'il y en a un qui va y passer. Ils vont se retrouver forcément. Ils vont pas se retrouver. Bah, j'espère qu'il y en a un qui va y passer dans cette saison, sinon on va se faire chier. Si, bah, ils vont se retrouver à la fin du 6, et là t'as un zombie qui va surgir et qui va bouffer le père. Moi, je vous donnez vraiment envie, hein. Ouais, ou peut-être que la mère va être obligée de tuer le père parce qu'il va se transformer, que machin. Il a été bouffé avant, il a été mordu avant, et il est en train de mourir, et il meurt devant ses yeux, il se transforme en zombie et il est obligé de le tuer. Ouais. Je suis sûr que c'est lui qui va y passer. Elle ou son fils qui est obligé de le tuer, enfin voilà, quelque chose comme ça. Non, le mari. Vive l'Amérique et vive le capitalisme. Parce que les enfants, ils utilisent encore les enfants dans la saison 2, tu vois. Bah justement, il aura été traumatisé. Non, c'est encore pire, elle a perdu l'amour de sa vie, soi-disant. Et ensuite, elle doit s'occuper, et c'est après, dans la saison 2, qu'elle va devoir buter un de ses enfants. Tu vois tout le truc. En plus, elle va devoir s'occuper du fils de son nouveau mari. Oui. Et en plus, elle devra, si elle est toujours pas morte, elle devra aussi s'occuper de sa belle-sœur, enfin de l'ex-femme de son mari. Donc tu vois tout. Approcher la mort de l'homme de sa vie. Bref. Ouais. Voilà, bienvenue dans la waiting room de Fear the Walking Dead. Là, on est parti. Là, on peut la réécrire la saison. Il y a pas de problème. Juste, je voulais moi quand même souligner quelques incohérences. Il y en a quand même pas mal, mais il y en a une fondamentale qui est un peu gênante vis-à-vis de la série principale The Walking Dead. C'est que là, dès le départ, on voit clairement qu'il n'y a pas besoin d'être mordu pour être transformé. Alors que dans la série Walking Dead, pendant je ne sais combien d'épisodes, peut-être même une ou deux saisons, ils ne savent pas qu'on peut se transformer sans avoir été mordu. Ah bon? Mais si, ils ont des morsures. Ah bon, hein. Ils le découvrent ça. Toutes les personnes qu'on se voit se transformer, c'est des personnes qui ont été mordues au début de la série. Et c'est au moment où ils arrivent dans cette espèce de laboratoire, je sais pas quoi, là. À la fin de la saison, oui, oui. Ben voilà, où ils apprennent que c'est une sorte de virus, machin, tout ça, et qu'il n'y a pas besoin d'être mordu pour être transformé. Non, c'est dans le corps. Hein. Voilà, et qu'a priori, tous ceux qui meurent se transforment. Mais là. Mais si t'as la morsure accélère le processus et tu meurs plus vite. Oui, mais ils sont pas censés être au courant. Et là, dans les hôpitaux, il y a un mec qui se réveille, il a pas été mordu. Donc ça veut dire qu'ils sont au courant qu'il a pas besoin d'être mordu. Donc pourquoi? Bah, je suis pas sûr qu'ils s'en soient réellement rendus compte, puisqu'ils savent même pas qu'il y a des zombies qui arrivent. Ils s'en ont même pas rendu compte. Oui, enfin, d'ailleurs, voilà, c'est quand même un univers dans lequel les histoires de zombies n'existent pas. Ouais. Tu vois, un mec qui se prend 15 balles dans le torse qui meurt pas, et personne ne réagit, personne ne comprend. À aucun moment, il y en a un qui... Ouais, vas-y. Surtout, on sait pas d'où elle est née, l'infection. Ah bah non, on ne saura pas. Oui, mais donc justement le moyen de transmission d'une telle infection, ils peuvent pas encore le voir. Mais ils savent pas qu'il y a l'invasion, justement, ils la voient pas encore, cette invasion. C'est pas ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est que... Dès le départ, tous ceux qui vont un peu s'intéresser à ce phénomène-là, etc., et qui vont survivre, vont savoir qu'il n'y a pas besoin d'être mordu pour être infecté. Il n'y a personne pour en parler aussi. Après, si tout le monde meurt, si t'en parles pas... Dans 3-4 mois, quand ça va être l'apocalypse, t'inquiète pas qu'il y aura du monde pour en parler. Enfin, franchement, ça m'a pas chauffé, ça. Enfin, moi, ça m'a je un pense peu... qu'il pense à autre chose plus que plus à survivre ou autre chose. Davantage que de se dire comment le virus se propage, ou etc. Alors, pour je suis pas sûr qu'ils aient vraiment fait attention. Je pense pas qu'ils pensent à survivre encore. Je pense qu'ils pensent à faire des photos et à mettre des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais justement, ils savent pas qu'il y a une maladie, qu'il y a quelque chose. Les gens le voient pas. Ils voient la preuve, ils disent à chaque fois, oh, tel flic a buté un SDF, machin. Ils voient pas que telle personne a un problème. Donc ils se disent pas, il va mourir, il a un virus, quelque chose. Ils y pensent pas, ils savent pas qu'il y a une invasion qui arrive. Donc je ouais, comprends toute pas la population est aveugle. Je comprends pas ton incohérence là. Mais pour moi, c'est le fait de voir des gens morts se relever. Mais ils savent pas qu'ils sont morts. Ah bah quand même, si, ils le savent. Quand t'es dans une morgue et qu'il y a quelqu'un qui se relève, tu sais quand même qu'il était mort s'il est dans la morgue. Quel moment où il y a une morgue? Mais dans l'hôpital, le vieux qui crève, dans le premier épisode, le vieux qui crève et qu'on entend se relever. Le vieux qui crève? Dans la chambre de Nick. Nick est à l'hôpital avec ce qui est arrivé au début. Il y a un vieux qui partage sa chambre. Oui. Le vieux meurt et on entend que le vieux se relève parce qu'on entend le râle. Oui. Donc il y a quand même quelqu'un de mort qui s'est réveillé. On voit bien qu'il était mort, qui s'est relevé. Donc déjà, ça interpelle personne. Et en plus, il n'a pas été mordu. Alors. Oui, mais ils y pensent. Oui, oui. Ils y pensent pas. Oui, non, mais c'est, je veux dire que c'est dès le départ, donc ça veut dire que. Oui, non, mais je vois pas d'incohérence. C'est les personnages, ils pensent juste pas parce qu'ils sont préoccupés pour autre chose. Là, Nick, à l'occurrence, il a autre chose à penser. Il est effrayé. Il se demande mais si. Maintenant. Il pense à son mort aussi. Je vois pas le souci. Il y a pas d'incohérence. D'accord, parce mais que... projette-toi 4 mois plus loin dans l'histoire. Ou t'auras tous les morts qui se relèvent. Comment tu peux être... Enfin, je vois la chose. Mais c'est juste qu'ils le savent pas. Ils ont pas forcément été confrontés à la chose. Franchement, je vois pas ça comme une incohérence. Ce qui serait une incohérence, c'est qu'ils essayent de nous forcer, que par exemple des personnages le disent, ils essayent de nous faire forcer le spectateur à croire que les gens deviennent des zombies par la morsure. Là, ce serait une incohérence puisque le spectateur qui a vu The Walking Dead sait déjà que ce n'est pas le cas. Bah oui. Mais pour moi, ça n'aurait pas été incohérent parce que dans la saison 1 de la série, on ne sait pas qu'on peut être transformé sans avoir été mort. Non, mais c'est ce groupe-là qui ne le sait pas, mais les autres ne le savent pas forcément. Là, le scientifique, lui, dans The Walking Dead, le scientifique le sait. Mais si tous les systèmes de communication étaient détruits avant qu'ils puissent en parler, les gens là, le les systèmes pas. De communication, ils ne sont pas encore détruits et mais ça tu sais commence pas sérieusement quand ils ont à sentir mauvais. Là. Tu sais pas quand cette découverte a été faite. Le mec, il est resté enfermé des mois dans son bunker top secret machin. Mais tu sais pas quand il a fait cette découverte. Ça se trouve, il l'a faite quand il s'est retrouvé tout seul. Et il avait personne à qui le dire. Ok, passons. Pour moi, c'est. Alors, certes, d'autres gens ont peut-être vu la chose et se sont fait de la même réflexion. Mais peut-être que c'est arrivé très tard. C'est peut-être arrivé juste, je sais pas, 2 semaines avant que Rick arrive et qu'il avait personne à qui le dire. Enfin, ça m'a vraiment pas choqué comme une incohérence, ça. C'est justement, ils naviguent dans ce monde qu'ils connaissent pas et ils se rendent pas forcément vraiment compte qu'il y a une invasion, que quelque chose se passe, que quelque chose est en train de se produire. Et du coup, ils pensent pas aux conséquences, ils pensent pas à réfléchir comment ça se produit, etc. Les autorités eux-mêmes ont pas l'air de savoir ce qui se passe. Ouais. Bon. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent, moi, c'est pas ont un avis sur cette incohérence ou non, n'hésitez pas à nous le donner. Hein, ça. La série a bien des défauts pour moi, mais celle-là, non. D'accord. Bah oui. Enfin, pour l'instant, pas encore. C'est pas encore très choquant. Je suis relativement d'accord avec Arnaud, mais bon, on verra quand ils arriveront à un nœud beaucoup plus complexe de la série. Là, si en effet ils persistent dans ce truc-là, parce qu'on est en effet. Ça peut paraître éventuellement être une incohérence dans le sens où il y a peut-être un décalage, voilà, peut-être avec le spectateur qui a vu Walking Dead et celui qui découvre là, avec Fear the Walking Dead. Mais bon, après, peut-être pas encore complètement choquant. Je veux dire, on verra peut-être quand il y aura quand ce sera un peu plus avancé. Bref, passons. En tout cas, ils vivent dans un monde qui doit être quand même un monde vachement chiant. Parce que les histoires, enfin, c'est-à-dire que personne n'a eu l'idée dans ce monde-là d'écrire des histoires sur des morts qui se réveillent. Donc niveau culturel, ça devrait être quand même assez chiant. Bah oui, hein, de toute façon, puis en plus, tu vois les deux gosses de la famille, c'est pas des lumières. Hein. Il y en a un, c'est un junkie, et l'autre, elle est à Berkeley, mais elle a l'air aussi intelligente qu'une poêle à frire. Et elle en a pour son copain, donc bon. Ouais, non mais c'est ça. Mais du coup, enfin, ça aussi, c'est assez bizarre quand même. le fait que personne ne sache ce qu'est un zombie, que autant dans Mais Walking tout le Dead, monde dit. dans Walking Dead, c'est pas forcément embêtant que les gens, enfin, on le sent moins ça, puisque du coup c'est déjà arrivé, ça fait longtemps que c'est installé, machin, l'épidémie, la fin du monde, enfin, telle qu'on connaissait a eu lieu. Voilà, mais là on se rend compte vraiment dans cette série que personne ne sait ce qu'est un mort-vivant. Bah ouais, déjà personne ne dit jamais zombie dans Walking Dead, donc déjà, enfin déjà ça j'ai jamais vraiment Oui, parce compris, qu'ils leur ont mais déjà donné un autre nom. oui, voilà, Donc c'est Walker, pas. enfin. Oui, mais c'est du coup c'est parce qu'ils connaissent pas, ils connaissent dans leur société, dans cet univers-là, le concept du mort-vivant n'existe pas. Oui, Ce qui est quand même assez aberrant. parce que c'est quand même pas très dur à inventer comme concept. Bah oui. Un mort qui se réveille, c'est quand même pas. On parle pas d'un mec qui met une bague et qui est capable de faire des constructions avec sa bague. On parle juste d'un mort qui se relève, hein. Bah, le vampire existe dans la littérature depuis des siècles. Donc voilà, bon. Là aussi, ça paraît assez bizarre. Autant dans Walking Dead, ça peut paraître à la rigueur, voilà, ils leur ont donné un autre nom parce que c'est eux qui connaissent et que c'est pas fictif cette fois, c'est réel, donc on a besoin de lui donner un nom plus réel peut-être. Et du coup, on peut comprendre ça. Mais là, dans ce monde-là où ça commence, que personne ne sache ce que c'est, ça me paraît quand même bizarre. Et c'est con parce qu'on aurait pu avoir un personnage, du coup, parce qu'il y a le petit gamin là avec Madison, qui a l'air d'être un espèce de geek survivaliste, enfin on sait pas trop quoi, qui connaît tous les bons plans pour piquer de la bouffe, qui connaît tiens telle bouffe il faut la prendre à la cantine parce qu'elle est valable pendant tant d'années et que du coup on peut faire du stock, machin, tout ça. Ça aurait été cool que ce mec-là il sache ce que c'est qu'un zombie et qu'il fasse un peu On peut le croire, ouais. ouais le rôle de vraiment le geek de service, bah les zombies c'est comme ça, machin, tout ça. Sans aller forcément très loin, mais au moins que lui ait connaissance de ces choses-là. Mais là, il fait un peu handicap hein, le gamin quand il arrive. Il dit, regardez, ils arrivent. Enfin, il la joue un peu médium. On dirait l'espèce de pseudo-médium dans Broadchurch. Là, c'est un peu, enfin, c'est un peu le personnage qui dit, hey, regardez, bande de tocards, si vous avez pas bien compris, je vais vous le dire, hein, il y a des zombies qui vont arriver. Sauf que bon, on était déjà relativement fixé avec la scène d'ouverture quand Nick se réveille et voit sa copine un petit peu transformée. Et là, ouais, voilà. Mais ça sent le mec un peu à la Glenn, tu sais, qui va arriver et être un peu paniqué, mais au final, qui va un petit peu guider tout le monde, qui va faire une espèce de navette, et puis qui va ensuite rejoindre le groupe de résistants. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Je pense pas qu'on le revoie souvent, ce gosse. Bah, ça Non, va. c'était oui, il était dans le deuxième épisode et puis est-ce qu'il va suivre Maggie après ou pas, Madison après ou pas, on sait pas, mais bon, voilà. Quoi d'autre sur ce préquel? Le personnage du père fait vraiment beaucoup trop, enfin d'ailleurs comme à l'image de beaucoup de choses, c'est vraiment ultra classique, l'espèce de père courage qui a un passé dur puisqu'il est divorcé et qu'il a un gamin dont il faut un gamin qui ne l'aime pas évidemment et dont il faut qu'il s'occupe, mais finalement parce qu'il est quand même super vertueux, bah, il se dédie beaucoup à sa nouvelle famille, tout ça, enfin. Le père est d'un ennui, et surtout, enfin, tu parles d'une figure héroïque, enfin, il a rien d'héroïque, il essaie de jouer sur une espèce de subtilité entre héros et anti-héros, mon œil, tu vois, ça prend pas une seconde, déjà, il est pas charismatique, mais alors en plus, voilà, enfin, c'est pas très très engageant, hein, comme la majeure partie des personnages d'ailleurs. Même Nick, je trouve presque ça un peu surjoué. Il boite à mort, il exagère un peu le truc. Enfin, Ah oui, alors cette petite démarche là, si ça c'est pas te dire coucou lui il va devenir zombie ou coucou ouais, c'est on un va peu vous ça. parler de zombie, regardez comme il marche. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ils vont nous faire un petit plan hommage à leur pilote, tu vas voir, l'autocélébration quand il deviendra un zombie. Non, je sais pas, c'est non. Non, enfin les personnages d'ailleurs de manière générale. Voilà, enfin, Bon, est-ce qu'il y a des non. choses de bien dans cette série, Arnaud? Si je dis non, je peux. Bah oui, je Non, demande parce mais qu'il y a donc. en positif, non, vraiment. Certainement pas les personnages, comme on vient de le dire. Même si Maddy s'est améliorée dans le deuxième épisode, c'est pas non plus le personnage de l'année. C'est pas transcendant, ouais. Non. Elle est juste pas casse-pied dans le deuxième épisode. Ce qui est une nette amélioration par rapport au pilote. Bah, c'est déjà pas mal. C'est même plutôt inattendu. Oui. C'est ce qui change un peu par rapport au personnage de Walking Dead, hein, en général. Ouais. Surtout quand tu compares au maire dans The Walking Dead, genre Laurie. Ah oui. Ah oui, la meilleure actrice de la série. Ouais. Mais sinon, en positif. Non, j'avoue, je vois rien. On peut même pas dire qu'il y a un beau générique, il n'y a aucun générique du tout. Encore, oui. Dans The Walking Dead, ils ont un générique sympa, qui met vraiment bien dans l'ambiance, et là, il n'y a aucun générique. Non. Ouais, moi, quelque chose qui m'a d'abord un peu plu, et puis finalement vite agacé, c'est tout cet habillage sonore, avec plein de petits bruits, de grincements, de trucs, en permanence. En fond, il y a en permanence des bruits un peu angoissants. Genre pour bien te montrer, attention, ça va devenir glauque. Mais c'est au début, tu dis ouais, ok, c'est bon, ils veulent nous mettre un peu dans l'ambiance. Et en fait, non, c'est en permanence. Bah oui, c'est le défaut des deux séries d'ailleurs. C'est vraiment accentuer le truc à fond, surligner le trait pour dire oh là là, regardez, on se lance, on prend des risques et tout. Fin. Sauf que, enfin voilà, il faut pas forcer le spectateur, il faut un peu plus de subtilité, lui suggérer un peu la peur, faire un peu, voilà, enfin jouer un petit peu sur tout ça, jouer sur l'angoisse que peut avoir le spectateur, mais abuser des bruits sonores, abuser des, tu vois, du surjeu, genre quand Nick fait sa démarche un peu junkie, enfin c'est non seulement ça devient plus angoisse, mais en plus ça devient ridicule. Petit clin d'œil. Oh, ça va. Hein. Ouais, et puis tous ces petits moments aussi où la Madison qui débarque dans le bureau du proviseur ou je sais pas qui, là, qui est en train de faire ses écoutes, où il est baissé sur sa chaise de dos, là, où on se dit, ah, il va se relever en zombie, enfin, ou pas, enfin, tu vois, cette manière de nous teaser tout le temps, là, attention, il y en a un, attention, lui, il va être zombie, attends, puis en fait, non, quoi, jamais, quoi. Bah, la série n'a fait globalement que nous teaser depuis le début de Walking Dead, hein, enfin, si tu regardes, tous les épisodes font 45 minutes, 40 minutes où il se passe rien, et 5 minutes où t'as un cliffhanger de fou pour te dire, ah, on te tease en l'épisode suivant, on continue de regarder, enfin, c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est plus cinéma, c'est du commerce, voilà, c'est paresseux, tout à fait. Puis parfois de temps en temps il tue un personnage parce que quand même il faut bien, sauf que maintenant dans ouais c'est ça, et dans puis parfois ils te font des petits moments, tu sais, tu te poses la question, genre Daryl et Carol dans la série mère qui se retrouvent allongés côte à côte et ouh, tout le net s'enflamme. À la rigueur, et oui, enfin, la série principale, et quand tu parles de Daryl, de Carol, etc., a quand même l'avantage par rapport à celle-là d'avoir des personnages auxquels on peut arriver à s'identifier, à s'attacher. Oui. Là, okay. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Tu n'as pas d'intérêt pour les personnages. Tu n'as pas peur pour eux parce que tu n'en as rien à faire. Il pourrait leur arriver n'importe quoi, que bah, ça te passerait complètement dessus et on pourrait passer à quelqu'un d'autre dans le troisième épisode. Ça serait pas grave. Hein. Moi, il n'y en a pas un que j'ai envie de voir, que j'ai envie de suivre et de voir évoluer. Non, vraiment non. Il y a vraiment trois fois rien. Quoi. C'est vrai que dans la série mère, tu as Daryl, tu as un petit peu Rick, disons, soyons un peu indulgents. Voilà, il y avait Merle qui était sympa mais sous-exploité. Là, dans la nouvelle série, le père, plus vite on s'en débarrassera, mieux c'est. La mère, si on s'en débarrasse, c'est pas plus mal. Mm-hmm. La fille, tout le monde s'en fout. Et le fils, oui, on s'en fout aussi. On a aussi des personnages comme Glenn, aussi, enfin, dans la série principale, même Carol aussi. Enfin, voilà, là, il n'y a rien. Il n'y a pas tout ça. Et je me demande si la série avait porté un autre nom. Est-ce qu'elle aurait eu autant de, comment dire, de bienveillance? C'est pas sûr. Parce qu'on a quand même vu jusque-là, surtout aux côtés des USA, du côté français carrément moins, des avis assez nuancés, plein de bienveillance. Et surtout, les audiences ont chuté la deuxième semaine. Ah bah oui, ça reste assez fort. Mais à la... Ah oui, c'est combien la deuxième épisode? Je sais plus du tout, j'ai plus les chiffres en tête, hein. Mais je me souviens que les chiffres, que les audiences ont chuté. Mais ça, enfin, ça chute toujours la deuxième oui, bien semaine. Sûr. Là ça a chuté assez pas mal quand même. Là, moi, je vous parie que si la série s'était nommée comme il a été question à un moment Cobalt, elle n'aurait pas fait ce score-là sur le pilote. Ben non, c'est sûr. Là, on a The Walking Dead dans le titre. Forcément, le pilote a vendu. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que ça se casse la gueule au deuxième. Bah, parce que c'est pas The Walking Dead. Enfin, bah, je regarde là, et donc le premier a fait 10,1 millions, comme on le sait. Ouais. Le second fait 8,18 millions de spectateurs. Bah, ça fait quand même 20%. Bah ouais, c'est énorme. Ah, énorme, non, mais c'est pas mal. Ça reste honnête, quoi. Oui, ça reste très gros. Ouais, ça reste 8 millions, hein, c'est clair. Il y a quand même 20% de chute. Ce qui sera intéressant, ah, c'est de voir après une semaine de coupure que va faire l'épisode 3. Ah ouais, ouais, bah, et puis même à l'épisode, de toute façon, on sera vite fixé. Hein, la saison fait 6 épisodes seulement. Oui. On saura vite à quoi s'en tenir au niveau avis internationaux, etc. Mais, ouais. Niveau audience et intérêt pour la série, cette semaine de coupure, ça fait mal, hein, parce que on aurait pu enchaîner 6 semaines quand même. Bon, certes, il y a un jour férié au milieu, ok, mais bon. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu. Oui, c'est pour ça, là, je viens de regarder, c'est pour ça aussi. Ouais. Mais c'est surtout. C'est-à-dire que, en plus, faire une coupure d'une semaine, enfin, une semaine sans épisode, dans une saison à 6 épisodes, c'est. Enfin, ça fait un peu mal, quoi, parce que déjà, déjà il y en a peu, mais c'est en plus. Voilà, Déjà que c'est long, ça mériterait d'être amputé au moins chaque épisode d'un bon tiers. Déjà qu'on te tire le truc sur la longueur, et en plus on t'inflige une coupure, donc ça dure une semaine de plus. Ils n'avaient pas le choix, mais c'est parce que le dimanche du Labor Day aux États-Unis, c'est vraiment le vide à la télévision, il n'y a absolument rien. Oui. Les gens ne sont pas devant l'écran, donc là ça ne va pas être 20% de chute. Hein. Oui, en même temps, c'est le vide aussi dans l'écran quand tu regardes. Donc. Oui. Ma foi. On vous reparlera de cette série, évidemment, une fois qu'elle sera terminée. Vous avez d'autres choses à dire ? C'est dommage, je trouve. Ils auraient pu. Ils avaient l'occasion, ils se sont donné l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, de faire un truc qui puisse, voilà, un petit peu chapeauter, tout est relatif, mais dans un certain sens, la série mère. Et au final, c'est globalement la même chose. Il y a toujours un tiers de l'épisode, comme tu as dit, à amputer. Les personnages sont toujours aussi emmerdants. Le pitch est toujours emmerdant. Il y a toujours ce cliffhanger dégueulasse à la fin. Voilà, il y avait quelques bonnes idées, pourtant, en effet, avec l'histoire de la drogue qui rend tout ça pas très sûr. La petite vue en perspective sociale, et puis le. Voilà, mais au final, c'est tellement vite expédié, c'est tellement remplacé par tous ces bruits, en effet, dont tu parles, qui sont destinés à nous forcer, à nous angoisser, alors que finalement, on s'angoisse très bien tout seul, sans avoir besoin d'une série pour le faire. Donc c'est dommage, c'est juste dommage, quoi, que la paresse en arrive à ce point-là. Ça me semble être une bonne conclusion. C'est dommage. On va voir, hein, il reste 4 épisodes à voir. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Enfin, clairement, on n'y croit pas, mais on n'est pas à l'abri d'un miracle. Après, il y a peut-être. The Walking Dead faisait 6 épisodes aussi, d'ailleurs. Ouais. Il y a peut-être des personnes dans l'équipe, hein, qui apprécient la série. Là, on est 3 à ne pas avoir apprécié, hein, à trouver ça plutôt globalement mauvais. Il me semble avoir cru comprendre que Elodie est plutôt d'un avis contraire. Elle est pas très fan, mais elle a préféré. Elle aime bien, ouais. Elle a mis un peu plus que la. Je pense qu'elle a aimé Madistienne aussi. Donc du coup, on verra au moment du débrief de la saison complète si elle est là, et si d'autres sont là, s'il y a des avis plus nuancés, voire positifs sur la série. On attend donc quelques semaines pour ça. D'ici là, Clément, après avoir entendu tout ça, doit avoir une envie de rattraper tout Walking Dead et de regarder ça. Il y avait des bons teasers, nous aussi. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, les prochains rendez-vous, maintenant que ce numéro 21 sur nos écrans est terminé, les prochains rendez-vous, c'est quoi ? C'est ce week-end, on va fêter les 75 ans de Green Lantern. On va revenir un peu sur le personnage, les incarnations humaines du Green Lantern, le concept même, et puis qu'est-ce qu'on peut lire pour découvrir ça, qu'est-ce qu'on peut regarder, puisqu'il y a eu des choses à regarder aussi sur le personnage. On se retrouve ensuite lundi pour la sélection VF sur notre page YouTube, mardi c'est le mag numéro 22 qui vous attend, et jeudi prochain, sur nos écrans, nous reviendrons sur Justice League, Gods and Monsters, puisqu'il y a plusieurs dieux. dans ce téléfilm, qui est aussi à la fois une mini-série avec quelques mini-épisodes animés, aussi un projet avec les comics, etc. Donc, un peu tout au long de la semaine prochaine, on vous parlera de Gods and Monsters sur Comic Stories. D'ici là, bonne série, bon film, et à bientôt. Salut. Salut. Salut à tous.